Avec le vent, il y aurait collé, mais non, même pas. Ah, que c'est à toi. Non, c'était moins rentable. Et alors, avec la voiture, même qu'il y a l'assurance qui paye, on est toujours vivant. Peut-être, à part s'ils auraient une omnium, oui. Parce que oui. C'est des neuves à première vue. Si c'est un neuf. Normalement, oui. Ça, c'est des, même pas deux ans, c'est trois ans, ces voitures. Mais quand vous avez une voiture de 6, 7 ans, 8 ans. Ah oui, là. L'assurance, il va donner de, des cacahuètes, comme on dit. Vous savez, pour acheter une, ouais. Il faut mettre beaucoup de sous après. De... Alors qu'on en a une, de... on savait bien, ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas de façon de remettre les sous pour investir. Il y a des chances qu'ils devront enlever le mur jusqu'au bout, hein, parce que l'humidité, on voit bien que c'est partout jusqu'au bout. Tant hein. Qu'ils sont là, je crois qu'ils vont être bien testés. Non, parce qu'on voit bien que le haut est plus foncé. Hein. C'est là où il y a toute l'eau qui s'est infiltrée. Et là, il s'est souvent suite qu'il doit passer à travers. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, comme il a plu beaucoup, là, c'est bien, bien. Oui, c'est... Oui. Des années qu'il pleut là-dessus. Oui. C'est encore de l'année. C'est ça, les journalistes du séminaire. Ah, ben oui. Les experts, les géomètres et tout. Ici, ça va être bien tard, la ah oui, la dame, c'est un épineur. On dirait vers 10h30 du soir. Moi, j'habite tout au fond ici, mais au bout de la rue. On entend tellement de bruit, tellement de gens qui travaillent. Mais à vrai dire, où je suis, peu importe le temps de la journée, je suis tranquille. Ah, ça va. Et là, le quartier, ça s'appelle ma campagne. Ah. Et ma... Oh, sur ça, la campagne. Du côté du bruit, ah. J'aime ça là-bas. Je suis entre deux rues, ah, oui, j'entends alors, des bruits de derrière, j'entends des bruits à l'avant. En plus, ici, c'est sens unique, l'Espagne. Ouais. Et alors, souvent, quand vous attendez, quand il y a l'air-retour, la ventilation entre voiture. Oui. Là, on attend. Mais là, vitesse, tout ça. Mais là, comme c'est sens unique. Ben, je vais revenir prendre des photos parce que je crois que j'ai une amie qui va être attribuée. Oui, je retournais à la maison, je suis venue juste comme ça. Il n'y a pas de blessés, pas de dégâts matériels. Ça, on va faire.